montagne, marcher dans la neige et le froid, puisque l'amour nous accompagne, un jour on se retrouvera. Il faut savoir garder toujours au fond de son cœur un peu d'espoir pour attendre le encore loin. Surtout ne désespère pas, continue sur le même chemin, un jour on se retrouvera. Même si tu crois qu'il n'y a personne qui pense à toi, un jour viendra où enfin tu sauras. Même à l'autre bout du...